Isanganiro. Léonce Bitalihu. Bonjour à tous et bienvenue à ce journal dont voici d'abord les grands titres. Il se tient depuis hier, mardi, à Washington, aux États-Unis d'Amérique, un deuxième sommet États-Unis-Afrique. Au menu, ce sont notamment des questions économiques et d'échanges commerciaux. Notre envoyé spécial, Oban Nyonguru, nous en dira plus en début de cette édition. Alternance à la tête des organisations de la société civile. Dans ce journal, vous entendrez le politologue Guillaume Ndaï Kengurutse qui appelle les responsables de ces organisations à prêcher pour un modèle dans la gouvernance. Dans ce journal également, on parlera de la pénurie de carburant, surtout de type essence, en mairie de Bujumbura. Et puis, dans la chronique « Parle, rassure-moi », un expert nous parlera des genres de discours incitant la population à se faire justice, chose qu'il faut éviter, bien entendu. Encore une fois, bonjour et bienvenue. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Le deuxième sommet entre les États-Unis et les chefs d'État du continent africain s'est ouvert ce mardi à Washington, D.C. À part les questions économiques et d'échanges commerciaux, il y a au menu de ce sommet des débats sur le changement climatique, la sécurité ainsi que d'autres sujets de développement. Des pays, surtout de l'Afrique de l'Ouest, dirigés par des institutions des coups d'État, n'ont pas été conviés à ce sommet. Les précisions avec notre envoyé spécial à Washington, Oban Nyonguru. Africains qui n'ont pas été représentés à ce sommet sont notamment le Burkina Faso, la Guinée, le Mali et le Soudan. Ces pays sont sous sanction de l'Union africaine pour avoir connu des coups d'État ces dernières années et les États-Unis disent s'être basés sur la ligne de l'organisation africaine. Le premier sommet avait eu lieu en 2014 sous la présidence de Barack Obama. Son successeur, le président Donald Trump, avait plutôt montré, selon des analystes, son désintérêt pour l'Afrique. Donc le président Joe Biden se livre à un exercice de rattrapage. Sur le plan économique, l'un des principaux sujets à aborder reste le programme de African Growth and Opportunity Act, AGOA en sigle, mis en place en 2000. Il facilite les exportations africaines vers les États-Unis. La réunion ministérielle de l'AGOA, qui se tient en marge de ce sommet, entre la représentante américaine au commerce avec les ministres du commerce de l'Afrique subsaharienne, suscite déjà de grandes ententes. Au menu, d'autres sujets à aborder sont entre autres le changement climatique, la sécurité, la santé, la lutte contre le terrorisme et bien d'autres. Les chefs d'État seront reçus à la Maison-Blanche ce jeudi. Depuis Washington, D.C., Oban Nyonguru, Radio Isanganiro. Merci Oban. La question de l'alternance à la direction des organisations de la société civile doit être de mise. C'est le point de vue du docteur Guillaume Ndaï Kengurutse, politologue. Il trouvait qu'il y a des responsables de ces organisations qui s'éternisent à leur direction. Guillaume Ndaï Kengurutse l'a dit ce mardi lors d'une conférence sur l'évolution des organisations de la société civile au Burundi. Les organisations, selon lui, devraient plutôt prêcher pour un bon exemple en instaurant la bonne gouvernance. Suivez-le au micro de Raïssa Liliane Inamahoro. C'est une question de gouvernance interne de ces organisations de la société civile. Lorsque nous parlons de la démocratie, cette démocratie doit être visible, doit s'ancrer dans toutes les institutions, y compris les organisations de la société civile. Alors, une organisation de la société civile, lorsqu'elle est dirigée par une même personne pendant plusieurs années, elle finit par se confondre avec celui qui dirige l'organisation. Et ça, c'est une personnalisation d'une organisation qui est préjudiciable à la vie institutionnelle de cette association. Et puis, nous savons très bien, toute personne a ses limites. On ne peut pas travailler éternellement, on ne peut pas réfléchir éternellement. Autant passer la main à une autre personne qui pourrait avoir des idées plus innovatrices à un certain moment. Lorsque une organisation se trouve sous l'emprise totale d'une personne, à la fin, cette organisation ne peut pas produire les résultats attendus pour le pays et pour son développement. Il s'observe un manque d'eau dans les robinets du marché de Jabé à mairie de Bujumbura. Une situation qui vient de durer plus de 2 mois selon des commerçants opérant sur le lieu. Ils trouvaient que c'est un problème sérieux et craignent même des maladies des mains sales. Le représentant des commerçants demande à la mairie et à la régie des eaux de trouver solution à ce problème. Isanganiro, la radio de l'avenir. La pénurie du carburant de type essence s'observait dans différentes stations-service à Bujumbura, la capitale économique. Les conducteurs de véhicules rencontrés à ces stations précisent qu'ils passent beaucoup de temps sans être servis, ce qui perturbe leurs activités quotidiennes. Ils demandent au gouvernement de trouver solution à ce problème. À la cabine technique, on m'a fait signe que l'élément n'est pas encore disponible. C'est un élément de Marie-Claire Cazeneza. On y reviendra. Et je vous le disais, c'est que la pénurie de carburant de type essence s'observait dans différentes stations-service à Bujumbura, la capitale économique. Les conducteurs de véhicules et rencontrés à ces stations, Marie-Claire Cazeneza, précise qu'ils passent beaucoup de temps sans être servis, ce qui perturbait leurs activités quotidiennes, et demandent, n'est-ce pas, au gouvernement de trouver solution à ce problème. Dans différentes stations-service se trouvant au centre-ville de Bujumbura et au quartier asiatique visité ce mercredi à 10h, seule la station Yakem Oil Company se trouvant dans la zone urbaine Kinindo distribuait le carburant de type essence où il y avait une longue file d'attente. Certains conducteurs rencontrés à cette station précisent que cette pénurie d'essence perturbe plus souvent leurs activités quotidiennes. Selon l'un des conducteurs qui s'est exprimé à nos micros, indique que cette situation provoque plus souvent la mésentente entre les chauffeurs et les propriétaires des véhicules du fait qu'ils obtiennent le versement à peine. Il ajoute qu'il manque de la ration quotidienne pour nourrir la famille suite à cette pénurie d'essence. Le pompiste rencontré à la station Interpétrole se trouvant près de la rivière Moura indique que le manque de carburant sur cette station dure beaucoup de temps, tout en précisant qu'ils orientent leurs clients là où l'essence est disponible. Ce dernier, ainsi que les conducteurs, demandent au gouvernement de trouver solution à ce problème. Malgré cela, dans toutes les stations visitées, le carburant de type mazout était disponible en quantité suffisante. Je vous le disais tantôt, il s'observe un manque d'eau dans les robinets du marché de Javé à mairie de Bujumbura. Une situation qui vient de durer plus de 2 mois selon des commerçants opérant sur le lieu. Ils trouvaient que c'est un problème sérieux et ils craignent même des maladies des mains sales. Le représentant des commerçants demande à la mairie et à la régie des eaux de trouver solution à ce problème. C'est un reportage signé Jean-Marie Mayonga. Au marché Jabé de la zone Bgiza en commune Mukaza, quand tu y arrives, le constat est que les robinets qui servaient de l'eau ne fonctionnent plus et aucune goutte de l'eau peut être trouvée. Sortir de ces robinets il y a plus de 2 mois. Certains commerçants disent qu'ils ont des problèmes et ne comprennent pas pourquoi ce marché n'est pas alimenté en eau potable. Ici au marché de Jabé, nous avons encore problème de manque de l'eau. Il y a à peu près 3 ou 4 mois que nous avons manqué de l'eau. Alors ce que nous demandions très rapidement que vous devrez nous aider à avoir de l'eau. Sinon, très bientôt, nous aurons des problèmes comme d'épidémie de choléra. Nous avons besoin de l'eau parce que l'eau, on utilise l'eau pour faire l'entretien de notre marché, comme le marché de Javé, comme ça. Parce que l'eau qui nous aide pour faire l'entretien, pour faire la lutte contre les maladies comme ça. Concernant la situation de notre marché, nous avons besoin de l'eau. Bon, je dois vous demander de nous donner l'eau parce que l'eau qui nous aide pour faire l'entretien comme ça. Parce que concernant le manque de l'eau, il y a beaucoup de maladies, par exemple la maladie de choléra qui nous attaque. Mais pour le moment, pas encore. Mais nous avons besoin de l'eau comme ça. Jean-Berkimas Kababamo, le commissaire du marché Jabé, dit être au courant de cette situation sur le manque d'eau et demande aux concernés de résoudre ce problème. Nous sommes au courant du problème du manque d'eau et ça nous préoccupe beaucoup, mais nous n'avons pas de moyens, raison pour laquelle nous demandons aux concernés d'alimenter ce marché. Certaines activités comme la propriété des toilettes, des légumes et la vente des chaussures sont paralysées. De même, le représentant du comité des commerçants au sein du marché Jabé, Edouard Ngendakoumana, précise que cette situation perturbe plusieurs activités et craint des maladies qui peuvent arriver à cause de manque d'hygiène au sein de ce marché. Quant à l'action des immondices qui venaient de passer plus de 3 mois sans être enlevées, le matin de ce mercredi, le camion a commencé le transport de ces immondices, ce qui a plu les commerçants. Merci Jean-Marie. Arumongue, 18 filets maillants ont été brûlés le matin de ce mercredi. Les propriétaires se sont évadés. Les précisions de Jean-Pierre Misago, notre correspondant Arumongue. Il s'agit de 16 filets maillants monofilaments et 2 filets maillants encerclants incendiés l'avant-midi de ce mercredi à la plage de pêche de Rumongué en face de la position marine de la place. Manambona Jonathan Majidi, œuvrant dans la protection des espèces halieutiques, est chargé de produire des statistiques de la production en poisson sur les plages de pêche de Rumongué, Gatete et Karonda, informe que 13 petits bateaux de pêche ont été également saisis dans cette opération réalisée dans les eaux du lac Tanganyika côté Rumongué du 5 au 11 décembre courant. Ces petits bateaux de pêche n'ont pas fait objet d'une quelconque destruction, mais ont été seulement rassemblés à la plage de pêche de Rumongué en attendant la décision de la justice, car dit Majidi, une décision interdisant la destruction de tels bateaux vient de sortir. À la question de savoir où sont les utilisateurs de ces engins, Majidi répond qu'ils ont pris le large quand ils ont constaté qu'ils étaient poursuivis. Sinon, poursuit Majidi, tout pêcheur attrapé dans ces conditions est puni d'un emprisonnement allant de 1 année et demie à 3 ans ou le paiement d'une amende allant de 600 000 à 3 millions de francs burundais. Pour Majidi, le lac est un bien d'utilité publique et tout un chacun devrait s'investir afin de le protéger et partant de protéger sa faune. Jean-Pierre Misago depuis la plage de pêche de Rumongué, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre. Un mot de football pour vous dire que le Maroc affronte la France ce soir à 21h, heure de Bujumbura, pour la demi-finale de la Coupe du Monde qui se déroule au Qatar. C'est la première fois qu'un pays africain arrive en demi-finale de cette compétition mondiale. Hier mardi, les Argentins ont battu les Croates 3-0. L'Argentine attend donc en finale le vainqueur entre la France et le Maroc et ce sera le 18 décembre. Les heures vont être longues donc avant ce soir, 19h TU, avant le coup d'envoi de cette demi-finale France-Maroc. La palme du commentaire le plus original revient au Canard Libéré. L'hebdomadaire marocain publie sur son site internet son poème dont le site RFI de RFI revient sur un extrait. Ce n'est pas un coq au plumage improbable amené par la bande Mbappé qui va impressionner les lions de l'Atlas et leur dompter au caractère trempé. Ce sont des fauves déterminées dont les rugissements ont résonné aux quatre coins du globe. Les cris de joie qui jaillissent de partout comme un geyser accompagnent une nouvelle aube. Parle, rassure-moi. Deux raisons sont à l'origine de l'utilisation du discours incitant la population à la justice populaire. Le socio-anthropologue Blaise Izelimana indique qu'il s'agit d'une part des gens qui se croient au-dessus de la justice et d'une autre part le manque de confiance envers la justice. Cet appel fait souvent par les leaders d'opinion a de graves conséquences dans la société comme tuer des personnes présumées innocentes. Plus de détails avec Ornella Mouch. On parle de la justice populaire lorsqu'il y a des actes généralement violents commis par des individus se faisant justice. Et même le socio-anthropologue Blaise Idelmana indique que deux raisons poussent les gens généralement et particulièrement les leaders d'opinion à utiliser ces discours incitant la population à la justice populaire. Selon toujours lui, une fois que la population décide elle-même de se faire justice, les conséquences sont multiples, comme priver les victimes de leur droit à la vie, à un procès équitable et à la présomption d'innocence. Les effets de ces discours sont néfastes. Nous savons par exemple que la population croit à les administratifs. C'est un administratif encourage les gens à commettre de la justice populaire, ce que demain, nous allons entendre quelqu'un qui va mourir alors qu'il n'a pas été comparé devant la justice pour voir si réellement il a commis le crime et puni conformément à la loi. Ça peut aussi faire naître les tensions entre la population puisque lorsque en pleine justice populaire, qui a ce groupe d'appartenance. On va passer dans cet individu à son groupe d'appartenance, soit son intérêt, soit son parti politique. Et puis ça peut faire naître des tensions entre les partis politiques et pourquoi pas les guerres ethniques pour dire que les conséquences sont très néfastes. La population doit se méfier et toujours être vigilant à son genre de discours. Bien sûr, la population doit avoir un esprit critique. Il ne faut pas absorber tout ce qui est dit par peut-être les administratifs, parce que les administratifs aussi, ils ont des intérêts à défendre. Ils peuvent passer par cette justice populaire pour pouvoir arriver à ses intérêts. Il ne faut pas tirer quelqu'un à cause des émotions. Il faut avoir un esprit critique. Si on a des problèmes, il faut aller devant la justice. Il faut lui faire comparaître devant la justice. Comme ça, la justice va trancher et il sera puni conformément à la loi. Et quant au gouvernement, il faut condamner publiquement tous les actes de justice populaire et s'assurer que le meurtre et les actes de violence commis donnent lieu à des enquêtes et à des poursuites et sanctions dans les plus brefs délais. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à Eric Ouimana pour la collaboration technique. Excellente journée à tous. Au revoir.